Vous. Oui, vous. Savez-vous que vous pouvez écouter 230 radios, 700 web radios et plus de 200 000 podcasts sur une seule application gratuite ? Avec Radio Player France sur smartphone, enceinte ou en voiture, vos radios sont toujours avec vous. Radio Player France, l'appli de toutes les radios. Dès 1960, dans son extraordinaire roman anthropologique « Pourquoi j'ai mangé mon père », Roy Levy s'interrogeait sur la domestication du cheval, du moins sur une tentative, et un cuisant échec, de domptage de l'Hipparion, équidé disparu au cours du Pléistocène. Voici peu, un de nos grands préhistoriens envisageait la rapide arrivée en Europe des premiers hommes modernes grâce à la conquête du cheval il y a 40 000 ans. Toutefois, rien ne semble l'attester, et cela malgré d'innombrables peintures de chevaux dans nos grottes du Paléolithique supérieur, dont Chauvet, Lascaux, mieux Pechmerle dans le Quercy. La conquête du cheval est une révolution, conquête semble-t-il tardive, mais au résultat immédiat. Aujourd'hui, les recherches d'un de nos grands généticiens bouleversent ces données grâce aux avancées de la paléogénomique et au croisement d'autres disciplines, l'archéologie bien entendu, mais aussi les savoirs scientifiques de sociétés traditionnelles, notamment celle des Lakota, nation amérindienne affiliée aux Sioux. Nous y reviendrons avec Ludovic Orlando. Bonsoir. Bonsoir. Directeur de recherche en archéologie moléculaire, spécialiste de l'étude des ADN anciens et directeur du Centre d'anthropobiologie et de génomique de Toulouse, vous venez de recevoir la médaille d'argent du CNRS, mais surtout de publier un nouveau livre, « La conquête du cheval, une histoire génétique » aux éditions Odile Jacob. Merci d'être en duplex de Toulouse. Rappelons en prolégomène que nous ne sommes pas que les produits de nos gènes. Ceux-ci ne conduisent en rien nos destins. Votre approche, Ludovic Orlando, est très intéressante pour un paléogénéticien, puisque vous prenez non pas une archéologie qui serait seulement multidisciplinaire, mais une archéologie totale. Exactement, et pour une raison très simple, c'est que les gènes que je porte moi aujourd'hui ne sont pas exactement responsables de ce que je suis en train de penser, des mots que j'emploie pour communiquer avec vous. Bref, ils ne sont pas responsables de ma culture, et d'autre part, les gènes que je porte, eh bien, ils vont pour la plupart plutôt changer trait pour trait certains de mes traits, mais petit à petit, des combinaisons de gènes vont en fait être responsables de la biologie que je développe. En fait, très très peu de gènes vont fonctionner comme des interrupteurs qui, en un coup d'un seul, seraient responsables d'un caractère observable. Si bien que la biologie étant complexe, les sociétés du passé étant complexes, nos populations étant complexes, puisque mêlées à la fois de biologie et de sociologie et de culture, eh bien, l'approche que l'on développe au Centre d'anthropobiologie et de génomique de Toulouse, c'est d'intégrer toutes les mesures possibles pour essayer de lutter contre ce passé qui n'en finit pas de finir d'une certaine manière, et utiliser à la fois les gènes, à la fois l'archéologie de terrain, à la fois la morphologie tridimensionnelle de haute résolution, l'isotopie, mais aussi des approches beaucoup plus classiques qui, ensemble, et c'est l'espoir que nous portons, pourront nous raconter les nuances des peuples passés pour ne pas les cantonner à n'être que les caricatures d'eux-mêmes, souvent d'ailleurs des caricatures qui ne reflètent que les biais de construction sociale que l'on a aujourd'hui, ici et maintenant. La question de la domestication du cheval a suscité nombre d'articles de suppositions. Ce qui est certain, c'est qu'il ne l'a pas été dans notre contrée, l'Europe de l'Ouest. Dans ce cas, où fallait-il chercher ? Alors c'est la question qu'on s'est posée il y a à peu près une dizaine d'années de cela, maintenant, lorsqu'on s'est intéressé à trouver le foyer de la domestication du cheval. En fait, pour être précis, on s'est appuyé sur des travaux d'archéologie qui nous faisaient, pour une grande majorité des archéologues, qui faisaient peut-être de la culture de Botaï. Alors que Botaï, c'est à la fois le nom d'une culture d'Asie centrale, au nord-centre du Kazakhstan, il y a à peu près 5500 ans de cela, mais c'est aussi le nom d'un site, donc éponyme, qui a été fouillé sous toutes ses coutures pendant plusieurs décennies. Eh bien, les archéologues qui ont étudié ce terrain-là nous indiquent que c'est là qu'il y a tout un faisceau d'indices qui pourraient laisser entendre que le cheval a été domestiqué là-bas. Pour plein de raisons, je vais les résumer en 4 raisons. La première, c'est que parmi les 300 000 ossements animaux qui ont été retrouvés sur place, 99%, voire plus, sont soit des bouts d'ossements, soit des squelettes, soit des dents de chevaux. Donc, l'économie de ce peuple-là reposait sur une interaction très, très, très, très proche avec le cheval en très grand nombre. Il n'y avait pas d'autres animaux, si ce n'est quelques chiens. D'autre part, outre le nombre, les archéologues ont retrouvé des enclos pour qui tenait dans des espaces restreints cet animal, le cheval. Et troisièmement, les dents des chevaux, notamment les secondes prémolaires, étaient usées comme si elles portaient les stigmates d'un cheval qui avait été tenu à la bride de manière quotidienne pendant sa vie. Et enfin, quatrièmement, et c'est peut-être un indice clé, l'analyse isotopique des molécules de gras qui sont encore préservées sur les céramiques du peuple Botaï indique des signatures typiques du lait de jument. Donc, des chevaux parqués en très grand nombre, tenus à la bride, tenus dans des enclos et enfin, dont on boit le lait, ça portait tous les stigmates de la domestication. Et donc, nous voilà embarqués pour séquencer le génome de ces chevaux pour compléter cet arsenal d'évidence par, pensons-nous, des évidences génétiques. Cette pratique d'exploitation du cheval, l'hypophagie et l'exploitation des produits lactés perdurent-elles au-delà de cette culture de Botaï? Et d'ailleurs, aurait pu être-elle diffusée, par exemple? Oui, alors en effet, il y a plusieurs articles scientifiques qui ont montré dans des, par exemple, dans de la plaque dentaire d'individus donc humains qui, par exemple, vivaient il y a 4200 à 4400 ans de cela, plus à l'ouest de Botaï, on est au nord du Caucase cette fois, dans les steppes occidentales de Russie. Eh bien, certains individus avaient encore les stigmates isotopiques et protéiques de la consommation du lait de jument. Ensuite, on voit que au cours de la proto-histoire et même dans des temps historiques que certaines civilisations ont continué de boire le lait du jument. Il suffit aujourd'hui de se balader, aujourd'hui, en 2023, au Kazakhstan pour se voir offrir par exemple du houmis, qui est cette boisson fermentée à base de lait de jument. Et de même, en Mongolie, certains peuples boivent eux aussi le lait de jument. Donc c'est un trait, en fait, la consommation du lait de jument qui est revenue et qui a été conservée dans certains territoires du monde jusqu'à nous, aujourd'hui. En tout cas, la domestication de Botaï n'est donc pas liée à la monte du cheval. Vous vous lancez dans une gigantesque recherche, l'analyse des chevaux de l'Atlantique à la Chine. Pourquoi un spectre géographique aussi large ? Tout d'abord parce que l'analyse génétique que l'on fait sur les chevaux de Botaï nous révèle quelque chose auquel on s'attendait absolument pas. Et voilà pourquoi, vous voyez, en parlant d'archéologie totale, il faut en effet qu'elle soit totale, puisque si l'on regardait les autres évidences que les évidences génétiques, on croyait ferme à une domestication sur place, mais dès lors, et donc on supposait que ces chevaux de Botaï étaient les ancêtres de tous les chevaux domestiques qui existent aujourd'hui sur Terre et qui ont toujours été utilisés par les humains, je pense à n'importe laquelle des variétés que vous aimeriez monter à loisir, ou celles que vous admirez sur les champs de course, ou celles qui tirent des véhicules très lourds, par exemple, n'importe lesquelles devaient être leurs descendants. Et nous voilà comme pour trouver que, en fait, les chevaux de Botaï n'étaient pas les ancêtres directs des chevaux domestiques modernes. Donc, s'ils ont été domestiqués à Botaï, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils n'ont laissé aucune descendance jusqu'à nous aujourd'hui. Et en fait, on perd la trace de ce cheval de Botaï dans les lignées archéologiques que l'on a analysé au-delà de 5000 ans environ. Donc vous voyez, comme si l'ancêtre des chevaux que l'on supposait, des chevaux domestiques modernes, n'était pas celui qu'on croyait. Et dès lors qu'il n'est pas celui qu'on croyait, il fallait que l'on regarde partout ailleurs. Or, le partout ailleurs est très très grand, puisque l'aire de distribution naturelle du cheval, au cours du Pléistocène, mais aussi dans le courant de l'Holocène, s'étale depuis l'Atlantique jusqu'à la façade Pacifique. Et donc, faute du candidat de choix, qui était Botaï, il a bien fallu que l'on regarde tous les autres foyers qui nous avaient été indiqués par l'archéologie et échaudés par l'événement Botaï d'une certaine manière, on s'est dit qu'on n'allait surtout pas se cantonner à ne regarder que les hypothèses qui avaient été formulées, mais en fait reprendre d'un œil neuf l'ensemble des sites connus pour éventuellement décider lequel d'entre eux serait l'ancêtre des chevaux domestiques modernes. Alors comment collecte-t-on du matériel de l'Atlantique à la Chine ? On fait les laboratoires, on contacte les archéologues, on essaie de trouver des échantillons dans la bonne chronologie ? un peu tout ça à la fois. La première des bonnes manières pour nous, en tout cas c'est celle qu'on a employée, c'est que ça fait à peu près une quinzaine d'années qu'on travaille avec des archéologues de terrain partout en Eurasie, notamment sur la question des chevaux, et on aime bien, nous, développer des collaborations sur le long terme. On évite absolument de ne collaborer que pour une seule fois, si bien qu'il faut imaginer des collaborations qui auraient démarré il y a 15 ans, 12 ans de cela, 10 ans de cela, puisqu'elles se passent bien, eh bien ce sont des collaborations qui perdurent dans le temps, et si bien que le réseau s'étoffe, puisque mes collaborateurs ont leur propre réseau, aussi bien qu'eux-mêmes peuvent atteindre des gens qui me seraient plus difficiles d'atteindre. Et 12, 15 ans après, vous voyez qu'on peut être en contact direct avec, en fait, des centaines d'archéologues sur l'ensemble de l'Eurasie. Et ensuite, bien, ça dépend un petit peu de comment veulent travailler nos collaborateurs. Vous voyez, il y a la barrière des langues. Si on travaille, par exemple, pour moi, en Mongolie ou au Kazakhstan, ce ne sont pas des langues que je parle. Outre la barrière des langues, il y a aussi le droit qui est différent d'un pays à l'autre. Donc, très souvent, moi ou les gens de mon laboratoire se déplacent pour aller échantillonner sur place des petits morceaux de dents ou d'ossements. Pour vous donner une idée, pour faire de la paléogénomique aujourd'hui, on a besoin d'une centaine de milligrammes. Très souvent, on associe nos résultats à du carbone 14, donc à la datation, et ça nécessite environ 500 milligrammes. Donc vous voyez qu'on se munit finalement d'un bout d'échantillon qui ne recoupe pas plus que, disons, un tiers d'un carré de sucre, d'une certaine manière, et à partir de là, ces échantillons étant ramenés au laboratoire ou étant envoyé jusqu'à nous par la poste, ça arrive aussi, eh bien, on met en branle l'ensemble de l'attirail paléogénétique dans des laboratoires dernier cri prévus à leur manipulation. En tout cas, vous déterminez alors un nouveau foyer de domestication du cheval, où se situe-t-il ? Alors c'est là où notre travail a été à la fois chanceux et très précis, c'est que quand on séquence l'ensemble de l'ADN de beaucoup de chevaux qui existent depuis l'Atlantique au Pacifique, et ce depuis 50 000 ans, on va dire, depuis le paléolithique supérieur jusqu'aux portes de la domestication, il y a 4 000 ans, ou voire 3 000 ans, voire 2 000 ans, eh bien on se rend compte tout d'abord que les populations naturelles de cheval, avant leur domestication, elles sont très structurées dans l'espace. Autrement dit, les chevaux qui vivaient sous nos latitudes, ici, on va dire en France, il y a 6000 ans de cela, ou 10000 ans de cela, ne sont pas les mêmes génétiquement que ceux qui vivaient en Roumanie, ne sont pas eux-mêmes les mêmes que ceux qui vivaient génétiquement en Anatolie, et ainsi de suite. Donc on imagine que la carte de l'Eurasie, du point de vue génétique du cheval, c'est une carte où chaque région y va de sa lignée. Ça veut dire quelque chose de très précis, c'est que le cheval à l'état naturel, le cheval d'avant les humains, si je puis dire, le cheval d'avant la domestication, c'est un animal qui est finalement très casanier. Il vit, il naît et il meurt quasiment au même endroit, si bien que ses gènes se différencient localement et ne s'échangent pas à de très très grandes distances. Ça a été une surprise pour nous, puisque aujourd'hui, l'animal qui est l'archétype de la migration, de la mobilité, c'est bien le cheval. Donc avant les humains, c'est pas du tout le cas. Et puisque la carte de l'Eurasie est très différenciée génétiquement à l'échelle géographique, eh bien il s'agit de faire maintenant quelque chose de très simple, c'est de poser une question, somme toute, assez bête, c'est quel est le type génétique que l'on retrouve aujourd'hui, qui existait dans le passé et où se retrouvait-il ? Autrement dit, munissons-nous de la carte génétique des chevaux d'aujourd'hui, de ceux qui vivaient il y a 1000 ans, et essayons de prédire où vivaient géographiquement leurs ancêtres. En faisant ce petit travail du petit poussé, d'une certaine manière, on a été amené à resserrer le focus de la domestication au nord du Caucase, dans les steppes occidentales de Russie, dans la basse vallée du Don et de la Volga, à une époque très précise, telle que donnée à la fois par les gènes, mais aussi par la datation au carbone 14, il y a environ 4200 à 4300-400 ans de cela. Ludovic Orlando, pourquoi a-t-on attendu si longtemps pour domestiquer le cheval ? La réponse est peut-être qu'il n'en avait pas la nécessité, pas le besoin. Je vais doubler votre question. Pourquoi a-t-il fallu attendre aussi longtemps pour que la science découvre ce foyer d'origine ? Et en fait, c'est peut-être lié la réponse à ces deux questions. C'est que quand le cheval est domestiqué pour la première fois, on ne voit pas de très très grands changements morpho-anatomiques dans le squelette. Vous savez, chez d'autres animaux domestiques, je pense aux vaches notamment, qui dérivent des aurochs d'une certaine manière, eh bien il y a des grands changements de taille associés à la domestication, sûrement par commodité d'interaction avec l'animal. Eh bien le cheval, lui, il reste à peu près près à même taille, si bien que pendant très longtemps, on n'a pas su définir la frontière de ce qui était encore sauvage et de ce qui était manifestement domestique. Donc forcément, ça n'a pas été un changement drastique de morphologie qui a motivé les gens de l'époque. Alors tout à l'heure, on a dit c'est vraisemblablement pas le lait pour ce second foyer de la domestication, puisqu'il était à Botaille, mais pas nécessairement à cet endroit-là tout le temps, et peut-être à d'autres endroits. En fait, on imagine que c'est la mobilité qui a été le moteur principal de cette domestication, et ça pour de multiples raisons. La première, elle est finalement très simple à se représenter, c'est que dès lors que ce nouveau type domestique de cheval apparaît, eh bien, alors qu'il n'existait à cet état-là que dans un confetti du monde, le nord du Caucase, on le voit en quelques siècles à peine, existait aux portes de l'Europe, aux portes de la Chine. Autrement dit, on le voit se déplacer comme une traînée de poudre, et ce faisant remplacer l'ensemble des autres lignées génétiques de chevaux qui existaient par le passé. Donc, puisque le cheval se déplace main dans la main avec les humains, à des échelles qui ne lui étaient absolument pas naturelles et qui s'étendent d'océan à océan, on imagine bien que la mobilité était ce qui a motivé les humains au plus haut point. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Qu'est-ce que ces nouveaux éleveurs ont en tête? Peut-on voir par exemple les prémices d'une sélection des modifications de la morphologie ou de l'anatomie sur les chevaux? Voilà, donc le squelette, lui, nous laisse pas vraiment d'indices quant à ça, une robustesse, par exemple, plus importante, ou une taille augmentée, par exemple. Eh bien, c'est là où l'ADN peut aussi prendre le relais de la morpho-anatomie, puisque quand on dispose des textes génétiques complets des chevaux de l'époque, on peut se livrer à un jeu très simple, c'est de se dire, y a-t-il des versions du texte qui sont uniquement partagées par les chevaux de ce foyer et ceux qui en découlent, et qui ne sont pas retrouvées ces versions du texte dans tous les autres types de chevaux qui existaient par ailleurs au préalable. Donc on fait finalement un jeu des sept erreurs avec deux types de cartes, celle qui va finalement remplacer toutes les autres et dominer le monde, le cheval domestique actuel, et on compare cette version-là de l'ADN à tous les autres. Et en faisant cela, on s'aperçoit qu'il y a deux endroits dans le génome du cheval qui sont très différentes entre les chevaux domestiques et les autres. L'une est sur le chromosome 3, l'autre sur le chromosome 9. Eh bien, il y a deux gènes très important dans ces régions-là des chromosomes que l'on a pu identifier. Le premier, ZFPM1, est un gène qui est responsable d'un changement du comportement. C'est un modulateur de comportement, de docilité et d'agressivité. On sait ça par des études de laboratoire très poussées où on peut manipuler la version du gène de souris ou de rat et observer leur comportement modulé. Et le second gène, je disais qu'il y en avait deux, lui est le gène GSDMC que l'on connaît très bien, notamment pour des études médicales chez les humains, notamment en Europe, mais aussi en Asie. Eh bien, certains d'entre nous qui portons une certaine version de ce gène avons des risques décuplés de développer une maladie que l'on appelle la sténose chronique lombaire, qui est une maladie associée à des douleurs dorsales très importantes, au point que quand elles deviennent chroniques, la marche devient tellement douloureuse qu'elle nous en devient impossible. Et donc on voit que par l'ADN, finalement, pour résumer, il y a eu deux grands changements génétiques qui ont été sélectionnés intuitivement, empiriquement par les premiers éleveurs. L'un qui devait améliorer la docilité de leurs chevaux, peut-être parce que ça les rendait plus aptes à interagir avec nous, mais aussi entre eux, les chevaux, puisqu'ils étaient vraisemblablement parqués dans des enclos. Et ensuite, eh bien, une anatomie, plutôt une capacité dorsale qui était compatible avec une mobilité accrue. Et on imagine que cette nouvelle anatomie dorsale, très fine, c'était quelque chose qui facilitait la mobilité, soit pour la monte d'ailleurs, soit pour tirer des véhicules tels que les chars de guerre. En tout cas, fort de ces deux gènes, cette seconde domestication dans les steppes pontiques sera un gigantesque succès, une véritable révolution. C'est ni plus ni moins qu'une révolution, vous l'avez dit, tout simplement parce que il y a un avant et un après. Ce cheval n'était que finalement anecdotique, cantonné à un territoire infime du monde. Il devient en quelques siècles le cheval dominant, référent, celui qu'on retrouvera quasiment partout et uniquement lui quasiment, donc son succès n'est plus à démontrer. Et puis surtout, on le voit se développer main dans la main avec d'autres technologies qui ne seront pas d'ordre biologique cette fois, mais des technologies culturelles. Et notamment, j'en pense à une très précise, qui est le développement des roues à rayons. Ce sont des roues qui sont taillées pour des véhicules qui sont tirés par les chevaux. Donc vous voyez comment la concomitance de l'invention d'une biotechnologie, le cheval d'un nouveau type, plus docile, plus robuste quant à son dos, plus amène à être mobile, concomitamment à l'invention d'une technologie tout court, qui serait la roue à rayons, qui est attelée au char de guerre, eh bien tout à coup, ça rend une nouvelle manière d'être au monde, dont beaucoup de peuples du passé se sont munis, et si bien que l'on voit se développer main dans la main ces deux phénomènes, finalement à des échelles de plusieurs milliers de kilomètres en à peine quelques siècles. Ludovic Orlando, remontons dans le temps. Désormais, plus aucun cheval ne serait sauvage. Dans ce cas, que faites-vous du cheval de Przewalski ? Il se trouve que le cheval de Przewalski, génétiquement, diverge de la lignée qui va devenir le cheval domestique moderne, celui dont on parle depuis tout à l'heure, il y a plus de 35 000 ans de cela. On peut, avec les gènes, estimer cela, parce que vous voyez, à mesure que des populations s'éloignent, elles accumulent un certain nombre de différences dans le texte génétique, qui est un nombre de différences relativement, pour aller vite, proportionnel à la durée de séparation entre ces lignées. Donc on arrive à estimer leur séparation depuis il y a très longtemps. Et en fait, on pensait que c'était le dernier cheval sauvage vivant sur Terre, le cheval de Przewalski. Or, nos travaux ont montré qu'en fait, les chevaux de bétail n'ont certainement pas donné naissance aux chevaux domestiques modernes, mais par ailleurs, ils ont donné naissance à la population du cheval de Przewalski. Autrement dit, le cheval de Przewalski, celui que l'on pensait comme le dernier représentant des chevaux sauvages de la préhistoire, d'une certaine manière, est en fait le descendant du premier cheval que l'on a domestiqué, mais qui est retourné à l'état sauvage, post-bétail, après, il y a 5000 ans, vraisemblablement quand cette culture et le peuple qui allait avec a fini par s'éteindre, le cheval n'a pas été conservé à l'état domestique et est retourné mener sa vie dans les steppes d'Asie centrale et aux portes de la Mongolie. Nous avons débuté cette émission autour de l'archéologie totale. C'est ce que vous faites autour du cheval en Amérique. Une étude réalisée par des chercheurs de 15 pays, dont de nombreux natifs appartenant au puissant peuple Lakota. Exactement. Et donc, pour ce travail-là, je dois dire que, d'une certaine manière, on a eu la chance d'être contacté par ces peuples-là. Vous me demandiez tout à l'heure comment est-ce qu'on travaille à ces échelles à la fois spatiales et temporelles. Eh bien, aussi parce que on crée une manière de travailler ensemble qui, de fil en aiguille, inspire la confiance, y compris à des peuples qui ont été, comment dire, à la fois meurtris par l'histoire, mais aussi meurtris par leurs expériences scientifiques, puisque par le passé, bon nombre de scientifiques n'ont fait que récupérer des échantillons et les étudier dans leur laboratoire sans même croiser les sources et faire un retour vers ces peuples. Si bien que le peuple Lakota me contactant, on a décidé de travailler main dans la main ensemble pour intégrer non pas que des évidences archéologiques, mais plutôt intégrer aussi les traditions orales de ces peuples. Vous savez, ces peuples ne pratiquent pas la transmission de leurs connaissances sacrées ou d'autres types de connaissances par l'écriture, mais par en fait le chant et la tradition orale. Eh bien, notre originalité a été de les prendre très au sérieux. Et à la lettre, d'essayer de tester si une vision de l'origine du cheval amérindien, telle que décrite par certaines traditions orales, serait juste. Et en particulier, chez le peuple de Lakota, la tradition orale indique que le cheval a été aux mains des Lakota depuis, je cite, les temps immémoriaux. Autrement dit, depuis toujours, si bien que le modèle qu'on a été amené à tester avec eux, ensemble, a été de voir si le cheval que les Lakota ont aujourd'hui et ont eu depuis les temps de la colonisation était en fait le parent direct, le descendant des chevaux qui existaient aux Amériques il y a plus de 12 000 ans de cela, avant la fin du grand changement climatique amenant à l'Holocène. On pensait que les Indiens avaient acquis en 1680, les premiers chevaux lors d'une révolte, celle, la révolte des Pueblos, il n'en est rien visiblement. Alors, quand vous dites « on », c'est « on », nous, scientifiques occidentaux, qui, vous savez, l'histoire est souvent racontée du point de vue des vainqueurs, hein, de ceux qui l'écrivent. Donc, du point de vue des occidentaux, qui ont été les sources des grands pouvoirs coloniaux, évidemment, puisqu'il n'est rapporté dans les chroniques historiques et ethnographique d'ailleurs, que les chevaux sont vus par des témoins aux mains de peuples amérindiens qu'à partir d'après la révolte de 1680, révolte des Pueblos. C'est une révolte très importante celle-ci, puisque pendant une vingtaine d'années environ, le peuple amérindien, donc des Pueblos, renverse le pouvoir colonial des conquistadors espagnols, et donc ce faisant, met la main sur un très grand nombre de ressources, parmi lesquelles le cheval. Et donc le modèle occidental était de dire qu'à cette occasion-là, les Amérindiens avaient eu accès à beaucoup, ou en tout cas suffisamment de chevaux pour pouvoir les redistribuer à travers les plaines de l'Ouest. Et en fait, ce que nos travaux ont montré, c'est que le modèle est complètement à revoir. À la fois celui des scientifiques occidentaux, comme nous, mais aussi celui de la tradition orale Lakota pour l'instant, pour deux raisons. La première, c'est que en faisant du carbone 14 sur des chevaux historiques qui sont évidemment trouvés dans des contextes d'Indiens d'Amérique, on le sait parce que ce sont des chevaux que l'isotopie nous indique comme être nourris au maïs, par exemple, qui est une plante amérindienne, mais aussi où l'archéologie du bâti nous indique que le bâti n'est pas celui d'un bâti colonial, mais d'un bâti natif, par exemple. Eh bien, on sait que ces chevaux, en les datant, ils sont d'avant 1680. En fait, on arrive à modéliser leur distribution d'âge, si je puis dire, autour de 1600. Autrement dit, ça a été avant la révolte des Pueblos que des Indiens ont eu accès aux chevaux. Et d'ailleurs, ils n'ont pas eu que accès aux chevaux, puisque nos travaux archéologiques montrent que les Indiens avaient développé toute une science de vétérinaire du cheval, puisque certains des vestiges que l'on a analysés sont des crânes de chevaux qui ont survécu à des fractures qui auraient dû normalement tuer les chevaux. Donc vous voyez que dès lors qu'ils l'ont, ils s'en emparent très tôt, et ils s'en emparent avec une science quasiment totale, vétérinaire jusqu'à l'utilisation des chevaux, comme on sait qu'ils le font encore aujourd'hui. Mais là où notre modèle ne donne pas tout à fait raison à la tradition orale Lakota, c'est que génétiquement, les chevaux qui existaient aux Amériques il y a plus de 12 000 ans, ou il y a 20 000 ans de cela et plus, eh bien génétiquement, ce ne sont pas eux qui ont donné naissance aux chevaux qui étaient aux mains des Indiens en 1600. En fait, génétiquement, il s'agit du jour et de la nuit, si bien qu'on imagine aujourd'hui un modèle consensuel qui nous dirait que le cheval a fini par s'éteindre aux Amériques. Le temps de l'extinction est encore débattu, puisqu'il y a des évidences génétiques pour pousser leur survie jusqu'à il y a environ 5 à 6 000 ans de cela, mais il aurait fini par s'éteindre, et autour, à la faveur de l'arrivée des colons, si je puis dire, les conquistadors tout d'abord, eh bien, les Indiens d'Amérique ont acquis le cheval bien plus tôt qu'on ne le pensait, développé toute une nouvelle culture, un nouveau panthéon, une nouvelle manière d'être au monde à partir de ce cheval, pour finalement le mobiliser à leur endroit d'une manière très, très efficace, d'une certaine manière. Donc les travaux sont assez importants, non pas simplement parce qu'ils permettent d'affiner ce que l'on pense du passé, ce que l'on sait du passé ou ce que l'on croit savoir du passé, mais surtout parce qu'ils donnent une agentivité au peuple amérindien. Avant même la révolte, vous voyez que les Indiens avaient développé une manière d'être avec le cheval qui leur était propre. Puisque nous parlions d'archéologie totale, Ludovic Orlando, au-delà de cette exceptionnelle histoire du cheval, la recherche la plus pointue de notre monde moderne se doit de faire feu de tout bois et donc s'associer aux sciences traditionnelles, qu'il s'agisse des Amériques, de l'Afrique ou de l'Asie. Je pense que, fort de notre expérience, c'est ce que j'aimerais bien pouvoir conclure, et j'aimerais bien d'ailleurs que cette approche fasse école, puisqu'on voit bien comment, si on en était resté, nous, cantonnés au simple modèle traditionnel occidental, qui était bâti sur des évidences paléontologiques, essentiellement, eh bien, on aurait fait fausse route, et on aurait, par là même, en faisant fausse route, nié un rapport entre les humains et les chevaux qui préexistait à ces modèles. Donc, celui du peuple Lakota en particulier, mais d'autres peuple dit des Premières Nations, je pense ici aux Comanches, aux Shoshonis, aux Pueblos, ce que vous avez mentionné, et bien d'autres. Donc vous voyez comment l'archéologie totale n'est pas que quelque chose qui est une vertu académique, mais c'est quelque chose qui peut requalifier l'histoire des peuples et du monde. Ludovic Orlando, je rappelle le titre de votre livre, La conquête du cheval, une histoire génétique, aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup d'avoir été en ligne de Toulouse. Carbone 14 était réalisé par Alexandra Malka, la technique Manon Houssin, et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon, Pierre Chabert et Joseph Julien. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application de Radio France, ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr.